1. Conclusion sur l'aura dans la spiritualité. 1.1. Qu'est-ce que l'aura? En conclusion, l'aura est un concept fascinant qui joue un rôle important dans la spiritualité. Il fait référence au champ d'énergie subtil entourant une personne, censé contenir des informations sur son état physique, émotionnel et spirituel. Comprendre l'aura peut fournir des informations précieuses pour la croissance personnelle et la conscience de soi. 1.2. Perspective historique sur l'aura. En regardant l'histoire de l'aura, nous pouvons voir que diverses cultures et systèmes de croyances ont reconnu son existence pendant des siècles. Des civilisations anciennes aux pratiques spirituelles modernes, l'aura a été interprétée de différentes manières mais toujours reconnue comme un aspect essentiel de l'existence humaine. Sa présence durable dans la spiritualité témoigne de son importance et de sa pertinence dans nos vies. 2. Comprendre la nature de l'aura. 2.1. La composition énergétique de l'aura. En conclusion, l'aura est composée d'énergies subtiles qui émanent de nos corps physiques et énergétiques. Il est constitué d'ondes électromagnétiques qui interagissent avec notre environnement et reflètent nos énergies internes. Comprendre la composition énergétique de l'aura nous permet de comprendre sa nature dynamique et l'impact potentiel qu'elle peut avoir sur notre bien-être. 2.2. Couleurs et couches de l'aura. En résumé, l'aura n'est pas une entité monochromatique mais plutôt un spectre vibrant de couleurs et de couches. Chaque couleur représente différents aspects de nos états physiques, émotionnels et spirituels. Les couches, quant à elles, révèlent la profondeur et la complexité de notre champ énergétique. Explorer les couleurs et les couches de l'aura nous permet d'acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos voyages spirituels. 3. Explorer la signification de l'aura dans les pratiques spirituelles. 3.1. L'aura comme reflet de l'état intérieur. Pour conclure, l'aura sert de miroir qui reflète notre état intérieur. Il fournit des informations précieuses sur nos pensées, nos émotions et notre bien-être général. En prêtant attention à l'aura, nous pouvons devenir plus à l'écoute de notre moi intérieur et faire des choix conscients qui s'alignent sur notre croissance spirituelle. 3.2. Aura et capacités psychiques. En résumé, l'aura est étroitement liée aux capacités psychiques. On pense que le développement d'une aura forte et claire peut améliorer nos sens intuitifs et psychiques. En travaillant sur notre champ énergétique, nous pouvons potentiellement libérer et renforcer ces capacités innées, conduisant à une connexion spirituelle plus profonde et à une transformation personnelle. 4. Techniques de nettoyage et d'équilibrage de l'aura. 4.1. Méditation et visualisation. En conclusion, la méditation et la visualisation sont des outils puissants pour nettoyer et équilibrer l'aura. En calmant l'esprit et en concentrant notre intention, nous pouvons visualiser le nettoyage et la purification de notre champ énergétique. La pratique régulière de ces techniques peut aider à maintenir une aura équilibrée et dynamique. 4.2. Guérison des cristaux et des sons. En résumé, les techniques de guérison par le cristal et le son offrent des moyens efficaces de nettoyer et d'équilibrer l'aura. On pense que les cristaux et les sons spécifiques ont des propriétés énergétiques uniques qui peuvent amplifier et harmoniser notre champ énergétique. L'intégration de ces pratiques dans notre routine spirituelle peut contribuer à maintenir une aura saine et harmonieuse. 4.3. Modalités de guérison énergétique. En conclusion, diverses modalités de guérison énergétique, telles que le Reiki et l'acupuncture, sont dédiées au travail avec l'aura et à la restauration de son équilibre. Ces techniques impliquent la manipulation d'énergie subtile pour éliminer les blocages et favoriser la libre circulation de l'énergie dans tout le corps et l'aura. L'exploration de ces modalités peut favoriser le bien-être général et promouvoir une aura équilibrée et dynamique. En résumé, l'aura est un aspect fascinant de la spiritualité qui offre un aperçu de nos énergies internes et de notre croissance personnelle. Comprendre sa nature, explorer sa signification et pratiquer des techniques de purification et d'équilibrage peuvent contribuer à un voyage spirituel plus riche et épanouissant. Alors, embrassez l'aura, libérez votre éclat intérieur et laissez votre énergie unique briller. 5. Le rôle de l'aura dans la guérison énergétique. Les soins énergétiques sont une pratique qui a gagné en popularité ces dernières années, de nombreuses personnes se tournant vers les thérapies alternatives pour leur bien-être. Un aspect de la guérison énergétique qui ne peut être ignoré est l'aura. On pense que l'aura est le reflet de notre état énergétique, et sa compréhension peut offrir des informations précieuses sur notre santé et notre bien-être en général. 5.1. Lire et interpréter l'aura dans la guérison énergétique. Lire et interpréter l'aura est une compétence essentielle pour les guérisseurs énergétiques. En observant les couleurs, les formes et les motifs de l'aura d'une personne, les praticiens peuvent obtenir des informations précieuses sur leur champ énergétique. Ces informations peuvent aider à identifier les zones de déséquilibre ou de blocage et guider le guérisseur dans l'adaptation du traitement en conséquence. Tout comme un anneau d'humeur, l'aura change de couleur en fonction de notre état émotionnel et énergétique. Une aura brillante et vibrante peut indiquer une personne en bonne santé et de bonne humeur, tandis qu'une aura terne ou trouble peut suggérer des sujets de préoccupation. En perfectionnant leur capacité à lire et à interpréter l'aura, les guérisseurs énergétiques peuvent puiser dans une mine d'informations qui peuvent aider au processus de guérison. 5.2. Utilisation de l'aura pour le diagnostic et le traitement. L'aura fournit non seulement des informations précieuses sur l'état énergétique d'une personne, mais peut également être utilisée comme outil de diagnostic. Les guérisseurs énergétiques peuvent détecter des déséquilibres, des blocages ou des zones de malaise dans l'aura, ce qui peut ensuite les guider dans l'élaboration de plans de traitement appropriés. En travaillant sur l'aura, les guérisseurs énergétiques visent à rétablir l'équilibre et l'harmonie dans le champ énergétique de l'individu. Des techniques telles que le nettoyage, l'équilibrage et l'énergie de l'aura peuvent aider à éliminer l'énergie stagnante, à éliminer les blocages et à favoriser la libre circulation de l'énergie dans tout le corps. Lorsque l'aura est vibrante et équilibrée, on pense qu'elle soutient la capacité naturelle du corps à se guérir. 6. Améliorer la croissance spirituelle grâce à la conscience de l'aura. La croissance spirituelle est un voyage profondément personnel, et cultiver une conscience de l'aura peut améliorer ce processus. Comprendre l'aura peut fournir des informations précieuses sur notre développement spirituel et élargir notre conscience. 6.1. Aura et développement spirituel. L'aura n'est pas seulement un indicateur de notre bien-être physique et émotionnel, mais est également étroitement liée à notre état spirituel. Lorsque nous nous engageons dans des pratiques spirituelles telles que la méditation, l'auto-réflexion et la pleine conscience, nous pouvons commencer à percevoir des changements et des changements dans notre aura. En prêtant attention aux changements dans notre champ énergétique, nous pouvons mieux comprendre comment nos pratiques spirituelles affectent notre bien-être général. L'aura peut agir comme un miroir, reflétant notre croissance et notre transformation intérieure alors que nous poursuivons notre voyage spirituel. 6.2. Développer la conscience à travers l'aura. L'aura n'est pas seulement le reflet de notre état actuel, mais détient également le potentiel d'expansion et de croissance. Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients de notre aura et de ses nuances énergétiques, nous pouvons puiser dans un profond sentiment de connexion avec le monde qui nous entoure. Grâce à des pratiques telles que la méditation de l'aura et la visualisation de l'aura, nous pouvons élargir notre conscience et nous connecter à des états de conscience supérieurs. L'aura devient une passerelle pour expérimenter l'interdépendance de toutes choses et accéder au royaume supérieur de la conscience. 7. Démystifier les mythes et les idées fausses sur l'aura. Au fil des ans, de nombreux mythes et idées fausses ont entouré le concept de l'aura. Il est temps de faire la lumière sur ces malentendus et d'explorer les perspectives scientifiques sur l'aura. 7.1. Malentendu courant à propos de l'aura. Une idée fausse courante à propos de l'aura est que seuls les individus doués peuvent l'avoir. En réalité, n'importe qui peut apprendre à percevoir et à interpréter l'aura avec de la pratique et des conseils. Ce n'est pas une superpuissance. C'est une compétence qui peut être développée. Un autre mythe est que l'aura est statique et immuable. Au contraire, l'aura est dynamique, change constamment et répond à nos pensées, nos émotions et notre état énergétique. C'est une représentation vivante et respirante de notre paysage intérieur. 7.2. Perspective scientifique sur l'aura. Alors que le concept de l'aura peut sembler mystique et ésotérique, la recherche scientifique a montré des découvertes prometteuses qui soutiennent son existence. Des études utilisant des techniques telles que la photographie Kirlian et la bioélectrographie ont fourni des preuves visuelles de la présence de l'aura. De plus, la relation de l'aura avec le champ électromagnétique du corps s'aligne sur les principes scientifiques. On pense que l'aura est une extension de notre champ bioénergétique, qui est générée par l'activité électrique de nos cellules et organes. 8. Embrasser l'aura comme voie vers une conscience supérieure. L'intégration de l'aura dans nos pratiques spirituelles peut ouvrir de nouvelles voies vers une conscience supérieure et un éveil spirituel. 8.1. Intégrer le travail d'aura dans les pratiques spirituelles. En incorporant des techniques axées sur l'aura telles que le nettoyage de l'aura, la méditation de l'aura ou la visualisation de l'aura dans nos routines spirituelles, nous pouvons approfondir notre connexion avec notre moi intérieur et le divin. Ces pratiques nous aident à devenir plus à l'écoute des énergies subtiles en nous et autour de nous, améliorant notre croissance spirituelle et notre conscience de soi. 8.2. Exploiter le pouvoir de l'aura pour l'éveil spirituel. L'aura détient un immense potentiel pour faciliter l'éveil spirituel. Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients de notre aura et que nous nous engageons dans des pratiques qui favorisent sa vitalité et son équilibre, nous créons un environnement propice à la croissance spirituelle. Grâce à l'exploration de l'aura, nous pouvons puiser dans des états de conscience plus élevés, expérimenter de profondes intuitions spirituelles et nous connecter avec l'essence de notre vrai moi. L'aura devient un puissant outil de découverte de soi et de transformation sur notre chemin spirituel. Alors, pourquoi ne pas embrasser l'aura et embarquer dans un voyage d'exploration de soi et d'illumination aujourd'hui? En conclusion, l'aura est un outil puissant pour la découverte de soi, la guérison et la croissance spirituelle. Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients de notre champ énergétique et de son influence sur notre bien-être, nous pouvons exploiter son potentiel pour élever notre conscience et nous connecter avec le divin. En incorporant des pratiques qui nettoient, équilibrent et élargissent notre aura, nous nous ouvrons à une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Adopter l'aura comme une voie vers une conscience supérieure nous invite à nous embarquer dans un voyage transformateur d'exploration de soi et de connexion. Puissent les connaissances et les idées acquises dans ce chapitre sur l'aura dans la spiritualité vous guider vers une compréhension plus profonde de vous-même et des possibilités illimitées qui s'y trouvent. FAQ 1. Quelle est la signification de l'aura dans la spiritualité? L'aura joue un rôle vital dans la spiritualité car on pense qu'elle reflète notre état intérieur, notre énergie et notre bien-être spirituel. Il sert de porte pour nous comprendre à un niveau plus profond, nous connecter avec des royaumes supérieurs et améliorer nos pratiques spirituelles. 2. L'aura peut-elle être nettoyée et équilibrée? Oui, l'aura peut être nettoyée et équilibrée grâce à diverses techniques telles que la méditation, la visualisation, les modalités de guérison énergétique et l'utilisation de cristaux ou de sons. Ces pratiques visent à éliminer l'énergie négative, à rétablir l'harmonie et à promouvoir le bien-être général de l'aura. 3. Existe-t-il une perspective scientifique sur l'aura? Alors que le concept d'aura est principalement associé à des croyances spirituelles et métaphysiques, il existe un intérêt croissant pour son étude et sa compréhension d'un point de vue scientifique. Certains chercheurs explorent les champs électromagnétiques entourant le corps humain et comment ils peuvent être liés au concept de l'aura. 4. Comment l'aura peut-elle contribuer à la croissance spirituelle? L'aura fournit des informations précieuses sur notre croissance spirituelle en reflétant notre état énergétique et l'alignement de notre esprit, de notre corps et de notre esprit. En travaillant avec l'aura, nous pouvons identifier les zones de déséquilibre, libérer l'énergie stagnante et cultiver une connexion plus profonde avec notre moi supérieur, favorisant finalement l'expansion spirituelle et la transformation personnelle. Page 50, nous allons voir qu'est-ce qu'un guide spirituel. Page 50.